finalement, ont besoin du même système technologique, c'est-à-dire ont besoin d'un système informatique qu'Internet résume d'une certaine façon, puisqu'aujourd'hui, avec notre ordinateur ou notre téléphone, nous avons accès à de l'écrit, à de l'image et à du son sans avoir des technologies spécifiques. Je n'ai pas besoin d'avoir un micro pour avoir du son dans mon téléphone, parce que tout est réduit à une formule mathématique, etc., qui va circuler binaire sur la base de 0 à 1. Bien, cette révolution numérique, digitale, comme disent les Américains, a bouleversé le champ de la communication. Et là où avant, il y avait des groupes médiatiques spécialisés dans une filière, dirait-on, par exemple dans l'impression sur papier, qui est sans doute la filière qui est restée le plus attachée ou le plus dépendante ou le plus marquée par l'ère industrielle, puisqu'il y a encore, disons, des ouvriers au sens bleu de travail, hein, dans les imprimeries, dans les rotatives, il y a des machines énormes, etc. C'est matériel, évidemment, c'est du papier, ça a un poids, ça circule en camion, etc. Bon, ça a un prix aussi, on l'achète quand ce n'est pas gratuit. Et puis, il y avait la filière du son, avec les radios, avec les informations radiodiffusées, etc. Puis, il y avait la filière de l'image, que ce soit la télévision ou que ce soit même le cinéma, voire documentaire. Aujourd'hui, tout ceci est résumé sur Internet. Et bien entendu, les entreprises qui avant étaient spécialisées dans l'écrit ou dans l'édition, etc., les entreprises qui avant étaient spécialisées dans le son, dans le disque, la musique, etc., ou les entreprises qui étaient spécialisées dans l'image, la photo, le cinéma, la télévision, etc., aujourd'hui, ces entreprises ont eu tendance, comme dans d'autres secteurs, à fusionner, à se concentrer et à constituer des groupes multimédia extrêmement importants. Donc le plus important, comme vous savez, c'est par exemple, et qui est à la fois la caricature du système, c'est celui de Murdoch, Rupert Murdoch, qui s'appelle News Corporation, et qui est présent dans pratiquement les 5 continents, qui a des chaînes de télévision, des maisons d'édition, des journaux très prestigieux, Wall Street Journal, etc., The Time, de Londres, etc., et bien sûr sur la radio et sur Internet. Bien. Donc, ceci a bouleversé le paysage de la communication et ça a aussi transformé l'industrie même de la communication et de l'information. Une industrie, par ailleurs, très singulière et qui fonctionne d'une façon, disons, surprenante. Par exemple, l'information, c'est de ça dont nous allons parler, l'information, disons, ne fonctionne pas selon les lois de l'information. Voilà, les lois dans l'information qu'on apprend dans les écoles de communication, les écoles de journalisme. En réalité, chacun de nous constate tous les jours que l'information circule plutôt en fonction des lois du marché, c'est-à-dire des lois de l'offre et de la demande. Quelles sont les informations, disons, qui nous parviennent massivement? Celles qui sont supposées concerner le plus grand nombre possible, le plus grand public possible, le plus grand nombre de citoyens consommateurs d'informations possibles. C'est ça qui est important. Ce n'est pas, disons, le plus d'informations qui va être apporté, ce n'est pas, disons, la fiabilité ou la crédibilité, ce n'est pas une information qui va contribuer à créer une société meilleure, des individus meilleurs, des citoyens meilleurs, etc. C'est essentiellement une information qui va fonctionner selon les lois du spectacle. C'est d'ailleurs ce que les Américains appellent l'infotainment, c'est-à-dire l'information divertissement, l'information qui entretient, qui divertit. Et globalement, elle fonctionne sur la base d'acteurs. Plus les acteurs sont célèbres, voire Strauss-Kahn, machin, etc., plus c'est important, bien entendu, et qui fonctionne selon les vieilles lois, disons, de la culture de masse, c'est-à-dire le sang, le sexe, la violence, la peur, le risque, la menace, etc. Et c'est ça, bien entendu, dont nous sommes massivement abreuvés en permanence. Donc, l'information va fonctionner selon les lois du marché. Alors, problème qui se pose, c'est que certains d'entre vous se diront, c'est une drôle de loi du marché, parce que la réalité, c'est que l'information, en fait, disons, quelle est sa valeur marchande pour nous? La valeur marchande est égale à zéro, puisque nous ne payons pas essentiellement pour nous informer. Si vous écoutez la radio, vous ne payez pas. Si vous regardez le journal télévisé, vous ne payez pas. Quand vous prenez un journal gratuit dans le métro ou ailleurs, vous ne payez pas. Quand vous consultez Internet, des sites, il y en a des milliers d'informations, vous ne payez pas. Alors qu'est-ce que c'est que ce système? Disons, qu'est-ce que c'est que ce commerce où l'information, où la marchandise est gratuite? Comment peut-on faire des affaires avec une marchandise gratuite? Voilà la question que pose aujourd'hui l'information. Eh bien, c'est parce que, effectivement, on pose mal le problème. Et parce que, disons, l'information, à part, c'est le dernier carré de résistance dans une certaine mesure, à part la presse écrite en papier payante, le reste de l'information est gratuite. Et d'autre part, pensez à ceci, c'est que quand vous achetez même un journal, vous ne payez jamais le véritable prix de ce que vous achetez. Ça vaut beaucoup plus cher. Vous pouvez l'acheter à un prix raisonnable, 1 euro, 1 euro 20, 1 euro 40, parce qu'il y a d'autres ingrédients qui permettent que ce prix soit si faible, malgré tout, hein, même si la presse écrite est en crise. Alors, pour quelle raison? C'est-à-dire, comment ça fonctionne, alors? Si ça ne fonctionne pas, disons, si le commerce de l'information ne consiste pas à vendre de l'information aux citoyens, comment ça fonctionne? Eh bien, effectivement, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne consiste pas à vendre de l'information aux citoyens, parce qu'elle est gratuite. Ça consiste à vendre des citoyens aux annonceurs. C'est ça, la clé. C'est-à-dire que, essentiellement, l'information que nous consommons, elle est construite de manière à ce que le plus grand nombre de personnes s'y intéressent. Donc, il y ait le moins de barrières possibles, qu'elles soient lexicales, sémantiques, culturelles, etc., pour y accéder. C'est pourquoi c'est une information qui est faite avec peu de mots, ce sont les mêmes mots qui reviennent tout le temps, avec des titres chocs, avec des photos chocs, sur des thèmes chocs, etc. L'important, c'est qu'il y ait beaucoup de monde qui consomme, des millions et des millions, car ce sont ces millions de personnes que je vais vendre aux annonceurs. Donc d'abord, c'est par conséquent une, disons, une sorte de supercherie, puisque je suis supposé considérer que l'information est importante. J'ai dit au début, l'information, c'est le quatrième pouvoir. C'est l'information qui constitue le quatrième pilier de la démocratie. Et si l'information fonctionne comme je viens de le dire, vous voyez bien le type de pilier que ça suppose. Mais par ailleurs, je veux dire, une fois qu'on a dit ça, l'information elle est gratuite, elle ne fonctionne pas comme ça, c'est nous qui sommes vendus, c'est pas l'information qui est vendue, c'est nous consommateurs d'information qui sommes vendus, hein, sans le savoir, évidemment, eh bien, en même temps, l'information est une matière stratégique, une matière première stratégique de notre temps. Si vous le prenez au sens large, bien entendu. Hein, si vous considérez au sens large l'information, au sens à la limite numérique du terme, ou informatique du terme, mais aussi au sens informationnel et médiatique du terme, l'information est bien sûr une matière première stratégique. Hein. Elle est d'abord une matière première stratégique parce que, disons, toutes les grandes industries, parmi les grandes industries qui se développent aujourd'hui, bien sûr, il y a des matières stratégiques. Par exemple, au 19e siècle, au début du 20e siècle, le charbon et l'acier, ben, la Belgique est bien placée pour le savoir, étaient une matière première stratégique, bien entendu. Hein. Parce que c'est sur la base de la possession de mines de fer et de charbon que s'édifiait la puissance. Bon. Aujourd'hui, le pétrole peut avoir encore ce rôle. Hein. Mais il n'y a plus tellement de matières premières au sens minérales du terme qui sont des matières premières stratégiques. Aujourd'hui, la matière première stratégique la plus importante, c'est l'information. L'information boursière, d'abord, l'information financière, d'abord, et l'information médiatique aussi. C'est elle qui permet l'épanouissement des grandes entreprises. Si vous faites un rapide, inventaire des entreprises qui sont aujourd'hui parmi les plus florissantes de la planète, vous verrez que ce sont des entreprises de téléphonie, ce sont des entreprises d'informatique, ce sont des entreprises liées à, bien sûr, Internet, Google, Facebook, etc. Et donc, par conséquent, on voit bien que l'information, alors qu'elle ne vaut rien, eh bien, c'est tout de même elle qui constitue des bases de la puissance. Et donc, par conséquent, il faut se demander pourquoi médiatiquement ça a de la valeur. Par exemple, aujourd'hui, ce sont des sujets que j'aborde longuement également dans le livre, aujourd'hui, pour des raisons qui tiennent à la crise économique, mais à d'autres déformations également, la plupart des entreprises médiatiques, par exemple, en particulier la presse écrite, va mal dans beaucoup de pays. Et cependant, qu'est-ce qu'on observe ? On observe que de grands financiers, de grands capitalistes, de grands banquiers achètent ces journaux. Des journaux qui sont parfois très prestigieux, mais qui perdent de l'argent, et qui perdent beaucoup d'argent. Donc la question que nous devons nous poser, c'est pourquoi des financiers qui ont beaucoup d'argent, pourquoi des banquiers qui ont par ailleurs beaucoup d'argent, qui en gagnent beaucoup, pourquoi est-ce qu'ils achètent des journaux ? Ils n'achètent pas de journaux pour gagner de l'argent. Ils achètent des journaux pour avoir de l'influence, hein, bien entendu. C'est ça qui est acheté. Parce que malgré tout, les médias qui ne rapportent plus ou presque plus, médias, télévision, radio et presse écrite, qui ne rapportent pas grand-chose. La plupart des médias aujourd'hui sont en crise dans le monde. Pour vous donner une idée, aux États-Unis, au cours des 5 dernières années, 120 journaux ont fermé. Des dizaines de journaux ont réduit leur pagination. Des dizaines de milliers de journalistes ont été licenciés. Et le phénomène est en train d'arriver en Europe. Hein. Alors la question c'est, puisque ça va mal, pourquoi est-ce qu'on les achète ? On les achète pour l'influence. Et quand vous regardez aujourd'hui le panorama, disons, des médias, vous vous rendez compte que finalement dans la plupart des pays, je parle de la France en tout cas, ben, c'est une petite oligarchie, un petit groupe d'oligarques qui possède l'ensemble des médias nationaux, de la presse écrite en particulier nationale. Disons qu'à l'échelle de la France, vous avez trois groupes pratiquement qui contrôlent l'ensemble des médias nationaux. Hein. Donc finalement, le pluralisme qui est théorique s'est beaucoup réduit. Et on peut soupçonner que, disons, ces oligarques qui possèdent aujourd'hui la presse, eh bien, défendent leurs intérêts. Et quels sont leurs intérêts ? Nous parlions tout à l'heure de la globalisation. Eh bien, la globalisation, ça a produit à l'échelle internationale essentiellement l'apparition d'un véritable surpouvoir économique et financier qui domine, en fait, le monde. Et ce pouvoir économique et financier qui est devenu, en quelque sorte, le premier pouvoir, celui qu'on ne peut pas toucher, regardez, il suffit de voir la configuration et le fonctionnement de l'Union européenne. En Union européenne, on peut tout discuter ici, au Parlement de Bruxelles. Bien sûr, beaucoup de choses peuvent être discutées. Mais il y a une chose dont on ne peut pas parler, c'est de questions financières. Hein, puisque l'euro échappe, disons, au territoire, à à l'ère de la démocratie. Hein, l'euro, donc la monnaie, qui a été un des attributs fondamentaux de la souveraineté des États, est aujourd'hui placée sous l'autorité d'une instance technique autonome et indépendante du pouvoir politique. Le pouvoir politique est le seul sur lequel nous nous intervenons par notre vote. Eh bien, parce qu'on a considéré que c'était trop important pour le laisser au débat démocratique. Donc, par conséquent, ce pouvoir économique qui domine, disons, a besoin de ce que quelqu'un comme, par exemple, un penseur comme Althusser aurait appelé un appareil idéologique d'accompagnement. Hein? Qu'est-ce que c'est un appareil idéologique? C'est, voilà, nous vivons sous la domination du pouvoir financier. Mais l'appareil idéologique, c'est-à-dire les médias, doivent tout faire pour nous persuader qu'on ne doit pas s'intéresser au pouvoir financier. Le pouvoir financier veille sur nous pour notre bonheur. Nous sommes licenciés, les services publics sont délabrés, les pensions sont réduites, les salaires n'augmentent pas, il y a des dizaines de millions de chômeurs en Europe, et tout ça, c'est bon pour nous. C'est ce que nous disent les médias sans arrêt. C'est très important. Il ne faut pas toucher à cet aspect. Donc c'est ça le rôle du pouvoir médiatique dans son ensemble. Et c'est en ce sens que c'est une matière première stratégique lorsqu'il est médiatique. Parce que, le pouvoir dominant a besoin d'un discours, bien sûr, assez diffus, il n'est pas caricatural comme je viens de le faire, mais dont le sens, si vous le tamisez, si vous faites des analyses de contenu, vous verrez que dans l'ensemble, les médias vont nous dire que toutes ces mesures d'austérité, d'ajustement, de sacrifice, tout ça, c'est bon pour nous. C'est ce qu'il faut faire. Toute autre politique étant aventurière, toute autre politique conduisant, au désastre. Bien. Donc, il y a de fait, dans nos sociétés, une sorte de gémellité dominante, un pouvoir jumeau dominant, pouvoir financier et pouvoir médiatique. Et le pouvoir politique, me direz-vous? Le pouvoir politique, si vous voulez, il sert en quelque sorte, d'abord c'est un pouvoir qui n'a plus la maîtrise des questions fondamentales, même s'il reste bien sûr important, et notamment sur le plan médiatique, il ne faut pas oublier que le pouvoir politique contrôle les médias du secteur public, hein. Pouvoir politique, en tout cas indirectement, le secteur des médias publics, dépend de l'État, hein, pas du gouvernement. Mais l'État est piloté par les politiques, bien entendu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a pouvoir politique, dans une certaine mesure, ça sert à ceci. Par exemple, vous avez remarqué que depuis une quinzaine d'années, globalement, depuis que globalisation a avancé d'une façon imparable, 15-20 ans, vous avez remarqué comment les médias maltraitent les politiques. Vous avez remarqué ça? Dans tous les pays, n'est-ce pas? Eh bien, depuis une vingtaine d'années, les médias, ils ne se passent pas un mois, ne se passent pas sur un semestre, sans que les médias démolissent un dirigeant politique, surprennent un ministre ou une ministre qui a pu commettre quelque chose, etc., et le renverse, ou provoque son renversement, etc. Globalement, ça apparaît comme la démonstration que, finalement, les médias, ils font leur boulot. Parce que ils s'en prennent aux puissants. Mais la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que les politiques sont si puissants aujourd'hui? Est-ce que cette démonstration n'est pas un leurre? Est-ce que, dans une certaine mesure, les politiques ne servent pas précisément à masquer le fait, de politiques qu'on critique, ne servent pas à masquer le fait que le pouvoir médiatique ne s'en prend pas au véritable pouvoir, c'est-à-dire au pouvoir financier et industriel, hein? Donc c'est là la question qui est posée aujourd'hui. En quelque sorte, on livre aux médias les politiques pour qu'on soit tous persuadés que nos médias sont plus libres que jamais. Ils font comme les Américains ont fait avec le Watergate en obligeant Nixon a démissionné, voilà, ben, dans chaque pays européen, on va attaquer Sarkozy ou Berlusconi, avec raison souvent, hein, je ne dis pas qu'il n'y a pas de raison de les attaquer, mais essentiellement ce que ça veut dire, c'est que les politiques, ça ne veut pas dire que les médias sont plus puissants, ça veut dire que les politiques sont moins puissants qu'avant. C'est la démonstration que ce ne sont pas eux qui ont le pouvoir. Et je voudrais terminer sur une considération, c'est-à-dire dans le livre, ce que j'essaie de faire, c'est d'analyser le changement de l'écosystème médiatique. Hein. C'est-à-dire, voilà, il y avait un écosystème qui était les médias dans leur développement ordinaire, malgré tous les défauts des journalistes, c'est-à-dire le manque de crédibilité, les manipulations, la connivence avec les politiques, etc., bon, que je développe longuement, les affaires, la guerre d'Irak, les manipulations liées à ces grandes affaires. Et puis voilà qu'il s'est produit l'arrivée d'Internet, qui est comme une sorte d'impact, comme l'impact, vous savez, de la météorite qui a frappé le Yucatan et qui a provoqué finalement la grande extinction des dinosaures. Eh bien, dans la planète média, il s'est produit l'impact Internet a produit le même impact. C'est-à-dire avec une grande extinction, dont j'ai donné l'exemple tout à l'heure, alors d'une part, de dinosaures médiatiques. Hein. Mais souvenez-vous que la disparition des dinosaures a créé un nouvel écosystème où, disons, des petits êtres ont pu se développer, hein, puisqu'ils n'étaient plus menacés par les dinosaures, ce sont les mammifères, et c'est des mammifères dont nous sommes issus, nous sommes un mammifère. Hein. Donc, par conséquent, je veux dire, l'impact d'Internet avec cette extinction massive, ce changement, disons, de l'habitat hein, des médias, est en train de provoquer l'apparition de tout un secteur que j'étudie dans le livre, que ce qu'on appelle l'information en ligne, hein, avec de très grands succès déjà en matière d'information en ligne, le Huffington Post, par exemple, Politico, une nouvelle manière de faire de l'information. Hein. Et tout ça, malgré tout, en temps de crise pour tout le monde, parce que les modèles économiques ne fonctionnent pas. Modèles économiques, disons, des médias traditionnels, pour les appeler d'une certaine façon, dans la presse, la radio, la télévision, et le modèle économique nouveau de la presse en ligne ne fonctionne pas non plus, mais tout de même, il y a des succès remarquables. D'abord, l'arrivée de ce qu'on appelle les web acteurs, d'ailleurs vous et moi, qui maintenant, avec un ordinateur, avec un téléphone portable, avec une tablette, etc., on peut maintenant devenir web acteur, c'est-à-dire on peut corriger une information, compléter une information, apporter une information, etc. Hein, on l'a vu très récemment avec l'affaire Fukushima, par exemple. Souvenez-vous, ces journaux télévisés qui étaient au début de la catastrophe, construits sur la base de francophones qui se trouvaient au Japon et qui communiquaient via leur webcam, c'est-à-dire devant leur ordinateur et la petite caméra de leur ordinateur, et qui disaient, voilà ce que dit la presse ici, avant même que les reporters soient sur place. On a vu surtout, bien entendu, à partir de la révolution, disons, tunisienne et la révolution égyptienne, on a vu, comme on l'avait vu d'ailleurs l'année d'avant en Iran, on a vu tous ces jeunes utiliser les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, le courrier électronique, les SMS également, pour réussir à s'organiser sans se connaître et réussir à manifester et réussir à renverser des dictatures et réussir à transmettre de l'information à l'extérieur alors que finalement le pouvoir pensait que il détenait les clés, il pouvait contrôler la radio, la presse, la télévision, voire parfois contrôler Internet, mais on a vu finalement que l'information arrivait jusqu'à nous. Donc, on voit désormais finalement une autre façon de faire du journalisme, sans doute complémentaire, qui stimule finalement le journalisme traditionnel. On a vu aussi, bien sûr, et ça a joué un rôle d'ailleurs dans la révolution tunisienne, on a vu les révélations de Wikileaks. Bien sûr, il y a eu beaucoup de débats autour de Wikileaks, mais ces débats ont permis d'occulter ce que Wikileaks révélait. Vous savez, McLuhan avait dit « le média est le message hein ». Eh bien, quand on a assisté aux révélations de Wikileaks, les débats qu'il y a eu, c'était autour de « est-ce que Wikileaks a raison de diffuser de l'information qui a été volée ? Est-ce que c'est juste ? Est-ce que c'est pas juste ?» C'était une façon, finalement, de parler du média pour occulter le message, le vrai message qui était le contenu de Wikileaks. Et Wikileaks a quand même démontré quelque chose d'énorme, si vous voulez, c'est que... quel est le genre journalistique considéré comme le genre le plus noble hein, depuis un certain nombre d'années, même ici en Europe? C'est ce qu'on appelle le journalisme d'investigation, n'est-ce pas? Parce qu'on considère que voilà, des journalistes peuvent consacrer des mois à travailler sur une question, à chercher, etc., sans l'urgence qui oblige, sans l'immédiateté, qui évidemment supprime les qualités du journaliste, donc il peut s'y consacrer, vérifier, prendre le temps d'exercer sa véritable profession et sortir un dossier bien construit, étoffé, imparable, une véritable démonstration. Mais tout ça, c'est très joli. Mais la réalité, c'est que le journalisme d'investigation est en voie de disparition. Il est en voie de disparition parce qu'il coûte très cher et les médias ne veulent plus dépenser d'argent pour des informations qu'ils offrent gratuitement. Et comme ils ne gagnent pas d'argent, ils n'investissent plus. Et de fait, si vous voulez, ce que Wikileaks a montré, c'est que précisément, il y avait quantité de choses que nous ignorions. Des choses fondamentales, absolument fondamentales, sur des crimes qui ont été commis, des crimes écologiques, ou des crimes politiques, ou des crimes militaires, ou la politique extérieure de très grands pays, avec les câbles. Et actuellement, ils annoncent évidemment des révélations concernant le secret bancaire, les paradis fiscaux, etc. Hein? Donc, par conséquent, ça a pu montrer ça au point, je termine avec ça, qu'aux États-Unis, curieusement, où cette situation-là est devenue assez préoccupante, cette situation, c'est-à-dire le fait que les médias ne fassent plus leur travail, le fait qu'il y ait défaut du quatrième pouvoir fait que beaucoup de citoyens conservateurs ou progressistes, beaucoup d'institutions conservatrices ou progressistes, les fondations, en viennent à s'interroger sur, disons, ce que deviendrait la démocratie s'il n'y avait plus l'aiguillon des médias. Comme actuellement ça se passe. C'est-à-dire qu'en fait, les médias n'exercent plus leur vraie fonction, hein, pour des raisons que j'ai expliquées, entre autres, rapidement, il y en a beaucoup d'autres. Eh bien, et c'est pourquoi aux États-Unis se développe une forme de journalisme très intéressante, qu'il faudrait voir se développer également en Europe, où, malgré tout, on bénéficie d'un secteur public d'information qui, par moment, fonctionne grâce aux professionnels qui y travaillent et qui sont à l'abri des pressions d'argent, pas toujours à l'abri des pressions politiques. Et c'est ce qu'on appelle, disons, le journalisme à but non lucratif. Journalisme à but non lucratif. Il s'est créé des institutions, par exemple, je cite l'une des plus importantes, qui s'appelle ProPublica, qui est une institution constituée par des anciens journalistes, des vétérans exigeants, etc., qui bénéficie de dons de fondations, j'ai dit tout à l'heure, conservatrice et progressiste, et on laisse à cette fondation et à ses dirigeants d'identifier des sujets ou bien d'accueillir des propositions de journalistes professionnels qui ne sont plus financés par les médias existants, les grandes chaînes de télévision, les grands journaux, les grandes radios, etc., et qui, disons, le travail, dont l'enquête serait nécessaire pour la société, pour la révélation, la manifestation de la vérité dans une société démocratique. Et ProPublica commande et finance des enquêtes hein, de véritables enquêtes, de longues enquêtes, hein, à des journalistes professionnels. Et une fois que l'enquête est faite, elle est analysée, elle est lue, elle est considérée comme bonne, elle est distribuée gratuitement, de manière à pouvoir être diffusée et qu'elle serve à la construction de la démocratie, à l'amélioration de la démocratie. Il y a aussi, bien sûr, toujours dans cette... beaucoup de journaux qui ont disparu en papier, se sont recréés en ligne, exclusivement sur Internet, sur la base d'un projet d'information à but non lucratif, local cette fois-ci, et c'est financé par ce que les Américains appellent le microfunding, c'est-à-dire l'idée que les citoyens qui consomment et qui considèrent que cette information est intéressante, eh bien, financent à hauteur de ce qu'ils veulent, 1 euro, 5 euros, 10 euros, 15 euros, ça crée un fonds. Les journalistes sont payés au strict minimum, mais ils exercent librement leur fonction et travaillent et franchissent en particulier cette sorte d'écran de censure ou d'écran d'occultation que constituent aujourd'hui les grands médias, hein, qui n'aident pas à la manifestation de la vérité, qui, dans une certaine mesure, par conséquent, posent un problème, comme je le disais au début, à la démocratie, et bien entendu qui, dans une certaine mesure, bien vérifie cette exigence que pour avoir une démocratie de qualité, il faut avoir une information de qualité. Voilà, merci beaucoup. Il y a une question pertinente. Bon, ok, on va attaquer.